Bonsoir, la société petite à moi. Bonsoir, messieurs. Oui, messieurs, madame Grosdouban, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. Oui, messieurs, madame Grosdouban, oui, messieurs, madame Grosdouban, c'est pas comme ça. Dímela. Oui, monsieur.